Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 75. Du changement du pain et du vin au corps et au sang du Christ. Dogme de la présence réelle. La transsubstantiation. Pourquoi les espèces du pain et du vin subsistent après la consécration? Que la conversion se fait instantanément. Ce que l'on doit penser de cette proposition, le corps de Jésus-Christ est fait du pain. 1. Le corps de Jésus-Christ est-il dans l'Eucharistie véritablement, ou bien seulement en figure et comme dans un signe? Saint Ambroise dit, de même que notre Seigneur Jésus-Christ est le vrai Fils de Dieu, c'est sa vraie chair que nous recevons et son vrai sang que nous buvons. Ni nos sens, ni notre intelligence, ne sauraient constater directement que le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ sont dans l'Eucharistie, mais nous le savons par la foi, qui repose sur l'autorité divine. Aussi, sur cette parole, ceci est mon corps, qui sera livré pour vous, Saint Cyrille reprend, ne doutez pas que cela ne soit, et recevez avec foi les paroles du Sauveur, celui qui est la vérité ne saurait mentir. Il convient qu'il en est ainsi, premièrement, à cause de la perfection de la loi nouvelle. Les sacrifices anciens contenaient seulement en figure le véritable sacrifice de la passion du Christ, puisque saint Paul dit, la loi avait l'ombre des biens à venir, et non la réalité des choses. Hébreux 10, 1. Le sacrifice de la nouvelle loi devait évidemment avoir quelque chose de très supérieur, il fallait qu'il contînt, non plus en signe et en figure, mais en réalité, le Christ même qui a souffert. De cette manière, l'Eucharistie est le complément de tous les autres sacrements, qui font participer à la vertu du Christ. En second lieu, le dogme de la présence réelle est conforme à la charité du Fils de Dieu, qui, pour nous sauver, a pris un vrai corps humain. Comme un ami qui veut vivre avec des amis, il nous a promis sa présence corporelle dans le ciel, lorsqu'il a dit, « Là où sera le corps, les aigles s'assembleront, Matthieu 24, 28, mais, afin que nous n'en soyons pas privés durant notre pèlerinage, il nous unit à lui dans l'Eucharistie par son vrai corps et par son vrai sang, selon cette parole qu'il a dite lui-même, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Jean 6, 57. Il est manifeste qu'une union si intime est à la fois le signe de la plus ardente charité et le soutien de notre espérance. Enfin, la présence réelle contribue à la perfection de notre foi, qui a pour objet l'humanité du Christ aussi bien que sa divinité, selon cette parole, « Vous croyez en Dieu, croyez pareillement en moi. » Jean 14, 1. Comme la foi se rapporte à des choses que l'on ne voit pas, le divin Sauveur, qui nous a montré invisiblement sa divinité, nous présente aussi sa chair d'une manière invisible dans ce sacrement. Voilà ce que n'avaient pas considéré ceux qui ont prétendu que le corps et le sang du Christ n'étaient dans l'Eucharistie que comme dans un signe, doctrine hérétique, que Béranger lui-même, son premier auteur, fut contraint d'abjurer, pour confesser la vraie foi. Note. On nous objecte très vainement cette parole, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Jean 6, 64. La chair, répond saint Augustin, ne servirait de rien par elle seule, c'est-à-dire si elle n'était pas vivifiée par l'esprit, mais, unie à l'esprit, elle est très utile. Le Verbe ne se serait pas fait chair, si la chair ne servait absolument de rien. Elle serait sans contredit inutile, au sens des capharnaïtes, à qui notre Seigneur parlait, car ils entendaient la chair morte telle qu'on la dépèce sur un cadavre, celle qui est vivifiée par l'Esprit sert à quelque chose. Dira-t-on que le corps du Christ est au ciel, et qu'un corps ne peut pas être en plusieurs lieux? Le corps du Christ n'est pas dans l'Eucharistie comme un corps naturel et dans un lieu auquel il est proportionné par ses dimensions, il y est, non sous sa forme visible, tel qu'il est au ciel, mais d'une manière propre à ce sacrement. Fin de la note. 2. La substance du pain et du vin reste-t-elle dans l'Eucharistie après la consécration? Bien qu'après la consécration, dit saint Ambroise, on voit encore la figure du pain et du vin, on doit croire qu'il n'y a plus que la chair du Christ et son sang. Dire que la substance du pain demeure dans l'Eucharistie après la consécration serait une hérésie. Premièrement, la vérité de ce sacrement exige que le corps du Christ se trouve là où il n'existait pas avant la consécration. Or une chose ne saurait être où elle n'était pas que par la locomotion, ou par le changement d'une autre chose en elle-même. S'il existe, par exemple, du feu dans une maison qui n'en avait pas, il y a été porté, ou il y a été produit. Le corps du Christ ne commence pas d'être dans l'Eucharistie en vertu d'une locomotion, car tout être soumis à la locomotion n'arrive dans un lieu qu'en quittant celui qui l'occupait, et à la condition de traverser tous les milieux intermédiaires, ce qui ne peut se supposer ici, vu que le corps du Christ cesserait d'être au ciel. Il est d'ailleurs impossible que la locomotion d'un même corps ait simultanément pour but divers lieux, et cependant celui du Christ commence d'être en plusieurs lieux à la fois, sous les espèces sacramentelles. Donc le corps du Christ ne peut commencer d'être dans l'Eucharistie que par la conversion du pain en lui. Une chose qui est changée en une autre ne subsistant plus après sa conversion, il est de nécessité que la substance du pain et du vin ne reste pas dans l'Eucharistie. Si elle y demeurait, comment ces paroles du Christ, « Ceci est mon corps », seraient-elles vraies? La substance du pain ne pouvant pas être son corps, on devrait dire, « Mon corps est ici », c'est-à-dire dans le pain. Deuxièmement, il répugnerait à la vénération que l'on a pour ce sacrement qu'il contint une substance créée qu'on ne put adorer par le culte de l'atrie. Troisièmement, l'impanation, que nous combattons, serait contraire à la loi de l'Église, qui, tout en prescrivant des trajins pour recevoir le corps du Christ, permet cependant à celui qui a déjà communié de prendre une seconde hostie. 3. La substance du pain et du vin est-elle anéantie par la consécration? Dieu, disait saint Augustin, n'est pas une cause d'anéantissement. Quelques-uns l'ont pensé que la consécration anéantit la substance du pain et du vin, d'autres, qu'elle la résout en sa matière première. Ces opinions sont fausses. Le vrai corps de Jésus-Christ est dans ce sacrement par le changement de la substance du pain en lui-même, voilà un principe de foi. Or, si vous supposez l'anéantissement de la substance du pain ou sa résolution dans la matière première, le changement n'existe pas. Dans ces paroles de la forme, « Ceci est mon corps », qu'y a-t-il qui indique cet anéantissement ou cette résolution? Note. De ce que la substance du pain ne demeure point sous les espèces sacramentelles, il ne s'ensuit pas qu'elle est anéantie, elle est changée au corps de Jésus-Christ. Nous ne disons, ni qu'elle est quelque chose après la consécration, ni qu'elle n'est rien, mais nous disons que ce en quoi elle a été changée est quelque chose, et nous ajoutons qu'elle n'est pas rentrée dans le néant. Fin de la note. 4. Le pain peut-il être changé au corps de Jésus-Christ? Est-ce donc une chose impossible, demande Zébédémez, que des aliments terrestres et mortels soient changés en la substance du Christ? Le changement qui s'opère dans l'Eucharistie ne ressemble pas aux transformations naturelles que nous avons sous les yeux. Accompli en dehors des lois de la nature par la puissance divine, il est totalement surnaturel. N'en soyons pas surpris, le corps du Christ, que nous consacrons, a été miraculeusement conçu, et il est né d'une vierge, contre les lois de la nature. Pourquoi chercheriez-vous à retrouver dans ce sacrement les lois qui président à la nature? Dieu, dans les changements qu'il opère, est-il astreint, comme les agents naturels, à faire succéder une forme à une autre forme dans le même sujet? Si sa puissance s'étend à toute la nature des êtres, ne peut-il pas opérer la conversion d'un être tout entier dans un autre être, en changeant toute sa substance en toute la substance de l'autre être? C'est ce qui a lieu dans l'Eucharistie. Le Christ y change toute la substance du pain en toute la substance de son corps, et toute la substance du vin en toute la substance de son sang. Ce changement n'est pas un changement accidentel de forme, il est substantiel, aussi on a créé tout exprès pour lui le mot transubstantiation. 5. Les accidents du pain et du vin demeurent-ils après ce changement? Sous les espèces que nous voyons, dit très bien Saint Prosper, nous adorons la chair et le sang du Seigneur, que nous ne voyons pas. Après la consécration, les sens aperçoivent tous les accidents du pain et du vin, donc ils y sont. La Providence l'a ainsi réglé, pour de sages motifs. Les hommes n'ont pas l'habitude de manger la chair de leurs semblables, ni de boire leur sang, un tel repas fait horreur. Aussi Jésus-Christ nous propose-t-il sa chair et son sang sous les espèces du pain et du vin, dont nous faisons le plus ordinairement usage. De cette manière l'Eucharistie, sans être pour les infidèles un sujet de dérision, contribue au mérite de notre foi, qui y perçoit ce qui est inaccessible à nos sens, le corps et le sang du Christ. Note. Notre jugement n'y est pas induit en erreur. Les accidents sur lesquels nos sens portent leur jugement y sont réellement, et la foi éclaire notre intelligence sur la nature de la substance. La foi n'est pas en opposition avec les sens, elle a pour objet ce qui leur échappe. Fin de la note. 6. La forme substantielle du pain reste-t-elle après la consécration? La forme substantielle du pain est essentiellement liée à sa substance. Elle ne reste pas après la consécration, puisque, comme on l'a vu, toute la substance du pain est changée en toute la substance du corps de Jésus-Christ, sans quoi ces paroles, « Ceci est mon corps », ne seraient pas vraies. Les accidents du pain sont seuls miraculeusement conservés, pour que nous voyons le corps de Jésus-Christ sous ses voiles, et non sous sa propre forme sensible. 7. La transubstantiation est-elle instantanée? La substance du corps de Jésus-Christ n'est pas susceptible de plus ou de moins, elle est présente ou elle ne l'est pas. Il n'y a dans le changement eucharistique aucun sujet qui ait besoin d'une préparation successive. Le propre de la puissance infinie, qui y opère une telle conversion, est d'agir instantanément. Pour ces motifs, il faut admettre que la transubstantiation qui s'accomplit par la consécration est instantanée. C'est ainsi que, quand le Christ eut prononcé, dans une autre circonstance, le mot « Ephphatha » qui signifie « ouvrez-vous », les oreilles de l'homme auquel il parlait furent immédiatement ouvertes. Note. Le changement eucharistique s'opère par les paroles de Jésus-Christ que le prêtre prononce. Le dernier instant où le prêtre les achève est le premier instant de l'existence du corps de notre Seigneur dans le sacrement. Fin de la note. 8. Cette proposition, le corps du Christ est fait du pain, est-elle fausse? Cette proposition, émise par saint Ambroise, est vraie, à cause surtout de la préposition du « ex » qui, indiquant une succession, exprime proprement la transsubstantiation par laquelle toute une substance est changée en une autre substance. Toute proposition qui tendrait à faire croire que la substance du pain demeure conjointement avec le corps du Christ, devrait être rejetée, mais la proposition que nous admettons n'offre pas d'ambiguïté. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.